Nyanga. Serafine Akizimana sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Trois magistrats du tribunal de grande instance de Bururi accusés de libérer provisoirement 8 détenus de la prison de Rumonge. Poursuivis dans le dossier, des cas d'assassinat ont été acquittés ce vendredi par la cour d'appel de Bururi, qui les poursuivait pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Passation du concours par les coopératives dans différentes provinces du pays. 6 coopératives sur 20 des provinces de Kirundo et d'Okayanza ayant été retenues et vont bientôt recevoir des financements du projet du gouvernement Paège. Le remplacement de certains membres du comité exécutif de la Fédération du basketball du Burundi, FEBABU, n'a pas été fait en violation de la loi, comme certains le pensent. Ceci a été dit ce vendredi par le président de la dite fédération au cours d'une conférence de presse. Bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par la page Justice, lancement officiel ce vendredi du projet Justice pour tous dans la gestion des conflits fonciers dans la province de Makamba. Au cours de ce lancement, le secrétaire permanent au ministère de la Justice a indiqué que ce projet va appuyer matériellement et dans les actions de recyclage pour les intervenants en matière de la gestion des conflits fonciers. Ce projet du ministère de la Justice, conjointement avec Land Development Expertise Center, sera exécuté pendant 3 ans dans les provinces de Makamba et Rutana, les détails avec Élisée Kouizère. Lors du lancement officiel du projet Justice pour toutes et tous dans la gestion des conflits fonciers, ce vendredi dans la province de Makamba, le chef du projet Prosper Ndiokubwayo a indiqué que les études faites dans les provinces de Makamba et Rutana montrent que les conflits fonciers représentent plus de 70% dans les tribunaux de résidence. Différentes études ont montré qu'au niveau des tribunaux de base et des structures administratives, les conflits fonciers représentent plus de 70% des affaires civiles traitées. Ça, c'est une réalité. Cette conflictualité foncière constitue une menace pour la paix et la cohésion sociale. L'analyse détaillée de ces conflits montre que les terres d'origine familiale font l'objet de plus de conflits. La pression démographique serait à l'origine de ces conflits, car l'économie rurale est basée sur l'agriculture de subsistance. Le secrétaire permanent au ministère de la Justice, Gervais Ajayandi, indique que via ce projet, les tribunaux de résidence vont bénéficier d'un appui des ordinateurs et de 2 motos pour chacun. Et quant aux notables collineurs, le matériel composé de papier et stylos leur sera octroyé et seront aussi appuyés en ce qui est de leur milieu du travail. Il fait espérer que les conflits fonciers seront réglés à temps et au niveau des collines. Le projet Justice pour toutes et tous dans la gestion des conflits fonciers sera exécuté pendant 3 ans dans 13 tribunaux de résidence et 72 collines des provinces de Makamba et Rutana par le ministère de la Justice, conjointement avec la DAC, Land Development Expertise Center, avec l'aide du Royaume des Pays-Bas. Depuis Makamba, Élisée Kouizera, Radio Isanganiro. Élisée Kouizera, dans la même page Justice, la cour d'appel de Bururi a quitté ce vendredi 3 magistrats du tribunal de grande instance de Bururi qui étaient accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État par le parquet près la cour d'appel de Bururi. Ces magistrats avaient pris la décision de libérer provisoirement 8 détenus de la prison de Rumonge poursuivis dans le dossier des cas d'assassinat à la machette perpétré en commune Bururi le mois de mai de l'année écoulée. 7 de ces détenus sont retournés dans la prison Ils ont été par après acquittés par le tribunal de grande instance de Bururi, mais sont toujours dans la prison de Rumonge, car le parquet de Bururi a interjeté appel. Le détail avec Zenon Zemiman. Ces trois magistrats, dont une femme, sous les verrous de la prison de Bururi depuis 7 mois, sont tous du tribunal de grande instance de Bururi. Ils ont été acquittés ce vendredi par la cour d'appel de Bururi. Ces magistrats étaient accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État après avoir pris la décision de libérer provisoirement au mois de juillet de l'année écoulée 8 détenus de la prison de Rumonge, poursuivis dans le dossier concernant les cas d'assassinat perpétrés à la machette en commune de Bururi au mois de mai de l'année passée. Une décision qui a été mise en application par le directeur de la prison de Rumonge, qui est lui aussi sous les verrous avec ses deux collègues accusés d'avoir mis en application cette décision alors que le parquet de Bururi s'y était déjà opposé. Sept de ces 8 détenus sont retournés dans la prison de Rumonge, mais un parmi eux reste toujours introuvable selon les informations en provenance du tribunal de grande instance de Bururi. Et pour rappel, ces 7 détenus ont été eux aussi acquittés le 30 janvier de cette année par le tribunal de grande instance de Bururi pour manque d'indices de culpabilité, mais sont toujours dans la prison de Rumonge car le parquet de Bururi a interjeté appel selon les mêmes sources. Certains défenseurs des droits de l'homme à Bururi saluent cette mesure d'acquitter ces trois magistrats car selon eux, ils avaient exécuté leur mission conformément à la loi, surtout qu'ils ont le droit de décider la libération provisoire ou l'emprisonnement d'un présumé auteur d'une infraction, comme l'ont souligné également ces magistrats au cours de l'audience publique du 1er mars de cette année. C'était à la cour d'appel de Bururi. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. De Bururi cap sur la capitale économique Bujumbura, où certains des habitants signalent qu'ils sont fatigués par la pénurie du carburant répétitif qui s'observe. Ils indiquent que cette situation perturbe d'autres activités de développement. Il lance un appel au chef de l'État de reprendre en main cette question, comme il avait jadis annoncé, pour permettre à toute personne capable d'importer le carburant de le faire. Suivez certains des habitants de la ville de Bujumbura dans ce Vox Pop recueilli par Jean-Marie Mayonk. La pénurie du carburant chez nous, vraiment, nous sommes fatigués. Nous demandons au chef de l'État de prendre en main cette question et autoriser tous ceux qui peuvent importer le carburant qu'ils aient l'autorisation. Au Burundi, il y a ceux qui ont des moyens financiers, mais qui ne sont pas facilités. Quelquefois, on trouve le carburant même si les véhicules sont nombreux. Je demande au chef de l'État de prendre en main cette question car nous sommes fatigués. Le carburant fait tout déplacement, transport des vivres et autres. La pénurie de carburant de mon prix de vie est due au manque de devises, autres choses et insuffisances de ceux qui peuvent transporter ce carburant. Que le chef de l'État autorise tous les hommes d'affaires capables de faire ce transport de carburant à commencer et payer les impôts comme il faut. Que ce travail soit fait par ceux qui sont capables. Ça devient casse-tête, le manque du carburant. C'est pourquoi nous lançons un appel au chef de l'État de tout faire pour que cette question soit vidée. Moi, je viens de passer plus d'une semaine sans travailler. Le manque du carburant, pour moi, est un grand problème. Les gens ont des difficultés pour se déplacer. Tu vas trouver sur les parkings les vieillards, les vieilles mamans qui cherchent comment se déplacer. Les aliments sont chers, les documents sont chers vraiment. Nous ne voyons pas ce qu'on peut faire. Que le chef de l'État autorise tous ceux qui peuvent importer le carburant de le faire. Dans notre pays, il y a les hommes d'affaires qui peuvent sauver la situation. Alors, il faut que le chef de l'État les encourage. L'actualité continue sur Sanganiro, page culture à présent. C'est ce samedi la finale de la 12e édition de la radio-télévision Sanganiro Awards. Les cérémonies de clôture seront retransmises en direct sur les ondes de cette station en début de la soirée de ce samedi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page Société à présent, trois coopératives parmi les 10 qui ont passé le concours au projet innovant province de Kirundo vont bientôt recevoir des financements du projet du gouvernement Paège. La première aura un financement de 10 millions de nos frambous et va produire des sauces tomates. La seconde aura 9 millions et va produire de la farine de bouillie. tandis que la troisième va produire des jus de jacquier et aura 8 millions de financement. Le conseiller du gouverneur chargé des questions juridiques, Pacifique Mounier Chaka, qui avait représenté l'administration dans ses activités de ce vendredi, a fait savoir qu'au cas où ce financement serait bien utilisé, ces coopératives vont sans doute contribuer au développement du pays. 3 sur 10 des projets innovants des femmes filles de la province Kayanza ont gagné la compétition organisée par PAIEJ et vont bientôt être appuyés par cet organe. Des femmes et filles gagnantes font savoir que parmi les projets d'avenir se trouve aussi celui de la création d'emplois pour d'autres femmes et filles en situation de chômage. Cédric Nyeramihigo, chef d'antenne provinciale à Kayanza, au sein du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, demande à ces femmes et filles d'éviter le détournement des fonds qui leur seront donnés pour la réalisation de leurs projets. Le détail avec Patrick Saint-Guilfre. Comme l'indique Nyeramihigo Bill Cédric, chef d'antenne provinciale au sein du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes à Kayanza, ce concours a été organisé dans le but de soutenir et d'appuyer les femmes et filles dans leur développement, surtout celui que le mois de mars leur est dédié. Les projets qui ont réussi le concours se composent essentiellement du salon de coiffure, le salon de beauté et le secrétariat public, et celles qui les ont présentés disent se réjouir de cet appui du PAIEJ et indiquent d'ailleurs que la réalisation de ces projets leur permettra de créer de l'emploi à d'autres femmes et filles en situation de chômage. La coiffeuse Abutaganzo parmi elles indique d'ailleurs qu'avec les fonds qui seront octroyés par le PAIEJ en appui à son projet de coiffure, elle les dotera de son salon de coiffure du matériel le plus adéquat pour le bon fonctionnement de ses activités de coiffure. Ces 3 femmes à Kayanza de leur projet ont gagné le concours, appellent d'ailleurs d'autres femmes et filles à se regrouper ensemble avec les autres dans des associations et coopératives de développement pour cheminer ensemble avec les autres dans le développement durable et inclusive. Nyeramihigo Bill Cédric, chef d'antenne provinciale à Kayanza au sein du PAIEJ, appelle les bénéficiaires des prêts octroyés par ce programme à éviter à tout prix le détournement de ces fonds. D'après les données fournies par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes antennes Kayanza, depuis ces 2 dernières années, 70 000 projets en ligne des jeunes qui demandaient l'appui de ce programme ont été reçus au moment où selon les mêmes données, au cours de cette même période, à peu près 200 projets dans le secteur agro-pastoral sont en cours de réalisation. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiumva. Parlons sport pour clore ce journal. Le remplacement de certains membres du comité exécutif et de la Fédération du basketball du Burundi, FEBABU, n'a pas été fait en violation de la loi comme certains le pensent. Ceci a été dit ce vendredi par le président de la dite fédération au cours d'une conférence de presse sur les questions qui hantent cette dernière. Jean-Paul Manilakiza a expliqué que les nouveaux membres de la FEBABU sont intérimaires et en attendant la décision finale de l'Assemblée générale. Suivez le président de la FEBABU dans cette traduction d'Omer Ndouaïo. Iyo umuntu a démissionné. Achat Kuba a démissionné pour des questions de Boutamoumbora avec la fédération. La fédération n'appartient pas à la personne qui démissionne. Quand quelqu'un démissionne pour déstabiliser la fédération, celle-ci ne lui appartient pas. C'est une institution qui fonctionne toujours. Il s'avère nécessaire que les gens consolident l'institution et non leur individualité. C'est pourquoi on doit nommer le successeur. Ceux qui sont nommés ont le droit de faire leur travail en attendant que l'Assemblée générale juge oui ou non que le nommé devient membre permanent du comité exécutif. Je suis sûr que cette Assemblée sera fidèle. Seul le président est élu et c'est lui qui présente les membres du comité exécutif. Si l'Assemblée générale refuse le premier, je propose le deuxième, jusqu'à ce qu'il y soit agréé. Si on les refuse tous, ça serait le jeu interminable. J'ai proposé un programme et je l'ai exécuté dans 4 ans. Nous sommes en renaissance. Il pourrait venir un autre successeur et pourra dire si oui ou non la fédération a chuté ou si elle a évolué. Moi, j'ai la mission de redynamiser la fédération et je dois choisir ceux qui vont m'aider à accomplir cette mission. Il y a ceux qui pensent que je travaille avec des gens, que nous avons les mêmes affinités. Je dirais que les portes sont ouvertes à tout le monde. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition, mais restez branchés sur notre antenne. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de la presse qui vous sera proposée par Jean Bosco Nduiman. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. La mission s'annonce difficile, titre Burundi Echo en une de sa parution cette semaine. En page intérieure, l'éditorialiste de ce journal se demande si l'on va vers la nationalisation du secteur pétrolier. En tout cas, fait-il remarquer, à peine créé, le challenge pour la nouvelle société pétrolière pointe son nez. Les files d'attente réapparaissent devant les stations-service. Et si le problème était ailleurs, s'interroge encore son confrère. En effet, explique cet éditorialiste, la pénurie des devises persiste. Les réserves officielles s'amenuisent. La Banque centrale n'arrive pas à constituer assez de réserves pour financer les importations. De toute façon, estime Burundi Echo, la nationalisation du secteur pétrolier n'est pas une solution en soi. C'est plutôt une alternative qui vise à casser le monopole de certains ténors du secteur. Rien n'est moins sûr. La société publique chargée de la gestion des hydrocarbures réussira-t-elle sa mission? La question est de savoir où elle va tirer les devises pour constituer sa flotte de camions et assurer régulièrement les commandes de l'or noir, fait remarquer cet hebdomadaire socio-économique. Les consommateurs attendent de pied ferme de voir la nouvelle société passer à l'action, conclut Burundi Echo. L'organisation des examens en réseau scolaire, une évaluation s'impose, alerte la voix de l'enseignant. Ce journal rappelle qu'au fondamental, les enseignements comme les examens sont organisés en réseau scolaire de la première année à la neuvième. Ils sont organisés autour d'une école centrale à laquelle sont associées des écoles satellites qui gravitent dans un rayon avoisinant les 5 km, précise son confrère. Cependant, regrette cet hebdomadaire de l'éducation, les examens en réseau sont teintés d'irrégularités que l'autorité habilitée ne corrige pas au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et parmi ces irrégularités, la voix de l'enseignant note par exemple l'utilisation des grilles de correction non validées, des enseignants qui dévoilent les questions à leurs élèves pour éviter la colère que l'autorité déverse sur eux lors de la critique des résultats, les erreurs dans les corrections et les bulletins confectionnés à la hâte, etc. Et ce sont les élèves qui en payent le prix, regrette cet hebdomadaire de l'éducation. Les étudiants et les enseignants doivent saisir l'opportunité de bourse de mobilité internationale, rapporte l'agence burundaise de presse qui a assisté à la session d'information Erasmus+ du Burundi organisée le 20 mars 2024 par l'Université Lumière de Bujumbura en partenariat avec l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, Madame Elisabetta Pietrobon, a indiqué que Erasmus+ est le programme de l'Union européenne qui vise à soutenir la mobilité, la coopération et l'échange de connaissances dans les domaines de l'éducation, de formation professionnelle, de la jeunesse et du sport. Elle a ajouté qu'il s'agit également d'une partie importante d'échanges éducatifs contribuant au développement des programmes d'études ou de gestion universitaire et au renforcement des liens entre 33 pays européens et le Burundi. Revue de la presse. Grâce à Rusumo, des vies sauvées à Busoni et Gitaranyi, rapporte le journal Iwachu, qui évoque la construction des centres de santé et l'alimentation en eau potable par le projet connexe au projet hydroélectrique régional Rusumo Falls Local Area Development Plan. Désormais, plus de 16 000 habitants de la commune Busoni en province de Kirundo bénéficient facilement des soins de santé et de l'eau potable. Un effectif de gens assez important en profite aussi à Muyinga, précise cet hebdomadaire. Enfin, pour terminer cette revue de presse, les emprunteurs de la route Bujumbura-Gatumba en liesse après le passage du Premier ministre écrit Net Press, qui précise que Gervais Ndira Kobucha a clairement indiqué que, désormais, seuls les agents de l'OBR sont autorisés à mener des contrôles sur des véhicules qui transportent des marchandises vers la République démocratique du Congo ou vers le Burundi. Mais ces derniers jours, souligne son confrère, des policiers, jeunes Imbonerakure et autres agents de l'Office burundais des recettes OBR qui se faisaient maître de la route, contrôlaient systématiquement chaque véhicule qui va ou qui revient de Gatumba, voire de Kavimvira ou d'Uvira. La route était tellement propre, je dis, car ceux qui la souillaient n'étaient plus là, conclut ce quotidien en ligne. C'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.